test 1, se me riesco voglio, ci posso ambire? Ouais, mais on connaît mauvais comté que côté de moi. Hey, quitte de mettre l'application Google pour connexion internet, mais sur un Skype, j'espère que vous vous êtes déconnecté. Quitte Skype, mettez avec vous ça. C'est qui prend connexion internet parce que le Wi-Fi il mange de bande passante. Ça paraît être correct, allons, le tempo. Qu'est-ce qui se passe, Mams? Vous êtes plus en contre le temps, hein? Bah, on a une coupaine des fois, comme on dit, les temps, tu peux jouer. Mais on voit que l'espace est en contre le temps, bien sûr, c'est une connexion avec PS Hôpital. vais essayer de m'arriver moi, chez nous, c'est pas ça mon pide. Eh, il y en a comme Big Joe. Non, Big Joe, non, il était là. Thank you.